Chapitre 52. De Rutbar à Rustamabad. Deux mulets hors de service. Le château enchanté. Les tigres dans la forêt. Dernière émotion à Koudoum. Le bourg de Sorher. Le lieu d'investiture. Lesté Rabal. Le ralat d'honneur. Arrivé à Recht. Au départ de Rutbar, notre bonne humeur aurait dû engager le Djelodar, habituellement très gai, à nous imiter. Mais il n'en fut rien. Il paraissait triste et vivement préoccupé de ses bêtes. Note. Les Djelodar conviennent du prix de transport des marchandises, soit par bête ou à raison du poids. Dans le premier cas, il les charge très peu, afin d'avoir à fournir un plus grand nombre de mulets, tandis que, au poids, il les surcharge pour en employer le moins possible. Fin de note. Son contrat stipulant le transport au poids, il avait surchargé ses mulets et il venait d'en perdre deux. L'un s'était couronné, l'autre avait eu l'épine dorsale brisée en tombant sur la route tortueuse qui longe le Sefid Rud. Le prix de louage d'une mule de Téhéran à Recht varie de 38 à 40 crans. Tout frais déduit, il revenait à notre Djelodar environ un millier de crans pour le voyage. Sur cette somme, il perdait, disait-il, 800 crans par suite de l'accident survenu à ses deux mulets. Les pauvres bêtes blessées furent laissées à la dernière halte aux soins d'un charwadar et les autres reçurent un supplément de charge. Mais, afin de ne pas les surmener, on devait faire une courte étape. En nous contant son chagrin, le Djelodar nous apprit comment il était parvenu à amasser son avoir. Ainsi que le prophète Mahomet, il avait débuté par être au service de la veuve d'un Djelodar. Il était âgé alors de 10 ans à peine. À 20, il put acheter un petit âne et parvint à gagner 15 francs par mois en le louant à sa patronne pour le transport du fourrage. Grâce à un travail infatigable, à une grande sobriété et les nombreux pourboires aidants, il était devenu peu à peu propriétaire de toutes les bêtes de notre caravane. Malgré sa tristesse, il n'en fut pas moins un petit soin pour ma compagne, son enfant et moi, en assujettissant sans être nos kedjavés. Il surveillait surtout la mienne qui, par suite d'un poids plus léger, glissait constamment et aurait pu occasionner un accident. Nous atteignîmes sans encombre Rustamabad. Note. Rustamabad signifie « demeure de Rustam ». Abad rappelle le mot anglais « abode ». Un grand nombre de mots persans se rapprochent de l'anglais, de l'allemand et du hollandais. Fin de note. Les maisons de ce village ne sont pas groupées. Elles sont disséminées comme celles de beaucoup d'endroits de cette région. À peu de distance sur le versant méridional de la montagne de Dulfek, dont la crête dentelée se perd dans les nuages, la croyance populaire place sur un plateau un château enchanté dont on voit les restes mais que personne n'ose approcher. La tradition dit que ce plateau est couvert de bergers, de moutons et de chèvres pétrifiés jadis par les dives qui hantent le castel mystérieux. Note. Cette légende rappelle un des contes des mille et une nuits. Dame Zobéide, en route pour les Indes, arriva devant une ville située au pied d'une montagne. Les sentinelles en faction aux portes, ainsi que les habitants, étaient pétrifiés. Elle découvrit ensuite un palais magnifique où la reine, qu'elle reconnut à sa couronne, était dans le même état. Dans la Haute Égypte, Ishmoni, on assure qu'il existe une ville pétrifiée. Fin de note. Des indigènes nous affirmèrent même avoir vu de loin ces pétrifications. Heureusement, les dives nous épargnèrent et le lendemain, de fort bonne heure, nous étions sains et saufs sur la route de Koudoum, bordée de magnifiques forêts. Ce jour-là, j'observais un changement notable dans l'humeur de mes compagnons. Chacun était absorbé dans ses pensées et préoccupé de ses projets. Il en est toujours ainsi lorsqu'on va en caravane. Au début, un même esprit anime ceux qui en font partie. Ils n'ont qu'un seul intérêt, un but, le voyage. Ayant devant eux la perspective d'un long trajet à effectuer, des dangers à courir et des fatigues à supporter, ils mettent en commun déceptions, peines et joies. On cause volontiers, l'intimité naît vite, la gaieté la plus franche règne et l'on est content les uns des autres. Il semble qu'on s'est toujours connu et qu'on ne devra plus jamais se quitter. Mais à mesure que les jours s'écoulent, que la distance diminue et que l'on approche du but, la disposition d'esprit des voyageurs n'est plus la même. Chacun de nous était donc devenu de plus en plus indifférent aux incidents de la route. En peu de temps, nous arrivâmes à Koudoum, dernière étape avant Recht. Je fus surprise à la vue du Chapar Rané, belle construction aux murs solides, aux chambres planchéiées, avec portes et fenêtres en bon état. Sise au milieu d'une forêt où les matériaux abondent, cette maison de relais, la dernière sur la route de Téhéran à Recht, a été construite par des ouvriers de cette ville où les habitations ont un certain cachet européen qui ne se retrouve nulle part en Perse. Autour de cette bâtisse, admirablement située à l'ombre d'arbres séculaires, viennent souvent rôder des bêtes féroces, surtout des tigres, qui abondent dans l'immense forêt. Ces dangereux voisins s'approchent jusqu'aux portes même du Chapar Rané qui nous abritait. Les bûcherons, habitués la nuit aux rencontres des fauves, lorsqu'ils se hasardent à sortir de leur hutte, se munissent d'une bûche enflammée pour les effrayer. Le soir, notre cuisinier, voulant aller chercher des œufs, en prit une comme arme défensive. À la porte du Chapar Rané, il aperçut dans l'ombre un animal qu'il prit pour le chien du Djelodar. Note. Les Djelodars, arabes sunnites, ont la plupart avec eux des chiens qu'ils ne considèrent pas impurs, comme le font les chiites. Fin de note. Hassan l'appela à lui. Mais quel ne fut pas son effroi en reconnaissant un tigre aux yeux flamboyants qui se mit à rugir. Jetant loin de lui la bûche allumée, qui devait cependant le défendre, il s'enfuit à toutes jambes dans la cour. Serré de près par le félin, dont il sentait le souffle, notre pauvre cuisinier jetait des cris désespérés. Aussitôt nous accourûmes tous, et nous vîmes le tigre debout, au bas de l'escalier qui menait à la galerie où nous nous trouvions. Les charwadars de notre caravane et les palefreniers du Chapar Rané, tranquillement accroupis dans la cour autour d'un grand feu sur lequel bouillait leur marmite de riz, s'élancèrent sur le fauve en brandissant des bûches enflammées et en criant de toute leur force. Effrayé, à son tour, le tigre s'enfuit en poussant des rugissements terribles. Le malheureux Hassan, plus mort que vif, tremblait de tous ses membres. Cette alerte, qui nous causa une bien vive émotion, fut heureusement la seule, et la nuit s'acheva paisiblement. Il est vrai qu'au déjeuner du lendemain, les œufs manquaient, privation légère comparée au danger qu'avait couru notre fidèle Hassan. Il s'en consola mieux que Vatel ne le fit du retard de la marée. Mais il jura ses grands dieux qu'il ne s'aventurerait plus désormais la nuit hors du Chapar Rané de Koudoum. Note. À peu de distance de Rustamabad se trouve une maison de péage. Une taxe est prélevée sur les marchandises qui passent par là. Le produit de cet impôt, qui devait être affecté à l'entretien de la route, va dans la caisse particulière du gouverneur de la province qui doit la partager avec le chat. Fin de note. La distance de Koudoum à Recht peut être parcourue en 2 heures de cheval. Nos mulets en mirent 8. La route est tracée dans une immense forêt. La variété des arbres est infinie. C'est un fouillis inextricable d'arbustes, de lianes enchevêtrées. Des vignes puissantes enlacent de vieux troncs séculaires et les branches noueuses de ces patriarches des bois vont se perdre dans le dôme de verdure de la treille au milieu de festons capricieux. Note. Il est difficile de se faire une idée exacte de la grosseur des vignes sauvages de ces pays et de la hauteur qu'elles atteignent. Fin de note. Des taillis épais et touffus, où les rayons du soleil ne pénètrent jamais, font songer aux forêts vierges. À certains endroits, une éclaircie laisse voir une échappée du ciel azuré. Plusieurs villages sont situés sur ce terrain, richement boisé. Les habitations sont éparpillées entre les arbres qui les ombragent. À mi-chemin de Koudoum, à Recht, se trouve le bourg de Sanrer. Il s'y tient tous les lundis, dans la cour du caravansérail, situé dans la forêt, un marché nommé Douchembe Bazar, où les paysans des environs viennent vendre leurs produits. Note. Douchembe Bazar, marché du lundi. Fin de note. Cette cour est entourée de boutiques formant un bazar permanent. Les marchands du lundi s'installent au milieu de l'enceinte. Nous arrivâmes justement le jour du marché et eûmes quelque peine à nous frayer un passage entre les étalages où acheteurs et vendeurs présentaient des scènes fort curieuses. Des femmes enveloppées de la tchadra bleue qui, pour causer, relevait d'un côté la roubende comme on soulève un rideau de fenêtre. De vieux et graves mollas, au turban blanc ou vert, accroupis sur le bord de la loge d'un barbier et fumant avec un air béat. Des enfants, aux yeux noirs et vifs, n'ayant pour tout vêtement qu'un bonnet sur la tête, sautillaient, allant de l'un à l'autre de ces groupes bigarrés. Dans son échoppe, un épicier, doublé d'un Figaro, servait à un client du sucre et de l'huile, pendant qu'un autre, le crâne couvert de savon, attendait patiemment que son barbier eût terminé la vente pour venir lui raser la tête. Dans la foule circulaient des derviches, implorant d'une voix dolente, au nom d'Allah, la charité de leurs frères. Quelques-uns de ceux-ci haussaient les épaules, ne croyant pas aux promesses d'une place au paradis de Mahomet. D'autres, plus crédules, déposaient une pièce de monnaie dans la sébile de ces mendiants qui font souvent de bonnes journées. Le caravansérail de Sanher est une vaste bâtisse carrée dont les murs de briques rouges, peintes à dessins variés, imitent la mosaïque. L'entrée en est si grande qu'elle ressemble à la porte d'une ville. Le Balarané a plusieurs chambres. Elles servirent de logement à quelques familles de Recht, entre autres à celle du consul d'Angleterre pendant la peste qui sévit dans cette ville en 1877. En sortant du caravansérail, la route s'étend dans la forêt jusqu'à l'entrée de Recht. À un farsac de la ville s'élève une suite de constructions désignées sous le nom de Khalat Fushan, endroit où a lieu l'investiture du vêtement d'honneur. Il y en a de semblables à proximité de toutes les villes et chefs-lieux de province. C'est là que s'arrête l'envoyé du souverain, porteur du cadeau royal. Il reçoit toujours un peshkesh, souvent fixé par le chat lui-même, qui n'est jamais moins que 50 tomans, 500 francs. Souvent, c'est le double et même davantage. Parfois, dans l'incertitude de ce qu'il recevra, ou si une affaire plus lucrative le retient à Téhéran, il cède à un autre la mission dont il est chargé, moyennant une somme fixée à l'avance. Note. C'est le Ferhatch Bari, chef des serviteurs du chat, qui choisit à tour de rôle un de ses subalternes pour cette mission. C'est ordinairement vers le Novrouz que le chat distribue ses cadeaux. Le présent n'est pas toujours un ralat. Il consiste aussi en armes de prix enrichies de pierreries. Fin de note. L'honneur est plus grand si le ralat ou les armes ont été portées par le chat. Le pêche-kesh est alors plus considérable. L'usage de ces dons date de loin. Ils ne sont jamais distribués dans un but désintéressé et portent leurs fruits, car ceux qui les reçoivent offrent en retour au chat d'autres présents d'une valeur supérieure. Note, par ce moyen, Nasser Eddin recueillit en 1878 2 millions de francs. Fin de note. En route, nous rencontrâmes un de ces cortèges et j'eus la bonne fortune d'assister à la cérémonie de la remise d'un vêtement d'honneur au gouverneur de Recht. Celui-ci, auquel le cadeau est destiné, se rend au Ralat Pushan pour le recevoir. À son arrivée, il fait offrir des rafraîchissements aux envoyés du chat. Ensuite, il se revêt du Ralat et, accompagné d'une escorte, rentre triomphalement en ville. Les habitants vont à sa rencontre pour donner l'estérabal au présent royal. C'est un spectacle curieux de voir un fonctionnaire revenir du Ralat Pushan. Comme chacun est désireux d'admirer de près le cadeau d'honneur, on se presse en foule autour de celui qui le porte. Son cortège est précédé de la Nagara, orchestre composé de fifres, de tambours et de trompettes. Les musiciens portant des drapeaux sont ordinairement montés deux à deux sur des chameaux, suivis d'artilleurs à cheval. Des ferrachs criant à tue-tête à la foule de s'éloigner précèdent la monture du gouverneur. Un grand nombre de chevaux, parés de chaînes, de bandes en or passées autour du cou et du poitrail, et que les djellodars mènent par la bride appartiennent à des dignitaires qui suivent à pied le cortège. Les selles sont recouvertes de gouldoussi, tapis brodé spécialité de Recht. Ce défilé forme un déploiement de luxe d'un genre tout à fait inconnu en Europe. Après viennent les polivans, lutteurs, la plupart des noirs, portant des massues et de grosses chaînes de fer autour du corps. Complètement nus, ils n'ont pour tout vêtement qu'un petit caleçon en cuir orné de broderies et enduit de graisse pour empêcher que leur adversaire ne puisse les saisir. Pendant le trajet, ils gesticulent, se contorsionnent, se bousculent, se frappent comme pour se préparer à la lutte. Ces athlètes aux muscles d'acier, à la peau luisante, ressemblent à des bronzes antiques. Ils marchent devant le gouverneur, qui est seul, à cheval, à une certaine distance, revêtu du ralat ou ceint des armes qu'il vient de recevoir. Arrivent ensuite les hauts personnages, venus à la rencontre de l'heureux favori du souverain. Enfin, on voit les serviteurs à cheval, suivis d'une quantité de mulets chargés de caisses peintes en couleurs bariolées contenant les objets ayant servi à la collation dans le lieu d'investiture. Dans cet ordre, le cortège s'avance lentement au milieu d'une double haie de ferrach vers la demeure du gouverneur. Son arrivée est saluée par une salve d'artillerie. Au seuil de sa porte et devant son cheval, je vis immoler une brebis. Les athlètes trempèrent leurs pieds dans le sang de l'animal. Ce sacrifice, ce sang, ces hommes nus, chargés de chaînes, rappelaient les coutumes des temps les plus barbares. Les derviches profitent aussi de la circonstance. Ces rusés finaux ne manquent pas, à leur tour, de faire appel à la générosité du héros du jour. En guise de félicitation, il lui débite, d'une voix psalmodiante, une pièce de vers écrite en son honneur, qui leur vaut toujours une bonne récolte de toments. Lorsque le gouverneur est sur le point d'entrer chez lui, musiciens, lutteurs, ferrachs, djellodars, ainsi que les nombreux porteurs de plateaux de Tchirini, envoyé par ceux qui ont pris part à l'Esterbal, s'éloigne après avoir reçu le pourboire de rigueur. Enfin, congédiant tous les curieux, par un très énergique « Mouracas, allez-vous-en », le gouverneur rentre dans ses appartements où il reçoit les félicitations des notabilités. Les visiteurs ne se retirent qu'après avoir fumé bon nombre de kalians, grignoté des chirini et absorbé pas mal de tasses de thé et de café. En résumé, cette journée coûte fort cher à celui qui a reçu cette marque de bienveillance du chat. Mais revenons à notre caravane qui avait suivi le même chemin que le cortège. La route du Rala Pushan à Resht ressemble à l'avenue d'un parc. À l'entrée de la ville, il n'y a pas de porte, mais seulement un pont, dit de Téhéran, jeté sur la rivière qu'il faut franchir. Il est flanqué d'une grosse tour ronde en briques vernies couleur turquoise. Note. Il y a de riches mines de turquoise dans la province du Khorasan. La tradition dit que le terrain où elles se trouvent servit, dans les temps les plus reculés, de champ de bataille et qu'on y a découvert les os d'une main et d'autres ossements humains changés en turquoise par la pétrification. Fin de note. La base de cette tour sert de soutien au pont contre la force du courant. Le haut en était bréché. Des plantes grimpantes y ont pris racine et semblent vouloir cacher les ravages du temps. En Perse, la nature embellit souvent ce qui tombe en ruine. Près du pont s'élève un chaparané d'assez bonne apparence. Avant d'y arriver, on aperçoit, à côté d'une fontaine, une maisonnette appartenant à un derviche. Constamment en faction, il ne manque pas, par ses prières et ses invocations, d'implorer la charité des passants. Le fait même d'être un propriétaire prouve qu'il n'a pas mendié en vain. L'histoire de ce derviche est assez curieuse. Ses pérégrinations l'avaient conduit en Bosnie, où les mahométans sunnites sont très fanatiques. S'y trouvant à l'époque du Ramadan, mois de jeûne, il était allé au bain. Les mollahs, désireux de nuire à un persan chiite, l'accusèrent d'avoir bu de l'eau. On crut à cette accusation et le malheureux derviche fut condamné à avoir la bouche remplie de plomb fondu. Mais il ne subit pas cette torture. Le gouverneur de la ville de Travnik, où cet événement avait lieu, craignant de s'attirer des désagréments, n'osa mettre la sentence à exécution. Cependant, pour satisfaire l'opinion publique, on jeta le derviche en prison où on l'oublia. À la suite d'une insurrection qui éclata dans le pays, il fut mis en liberté et parti. De retour en Perse, le récit de ses malheurs et des mauvais traitements que lui avaient infligés les ennemis de sa secte excita la compassion générale et les nombreuses aumônes qu'il recueillit lui permirent de construire auprès de Resht la maisonnette et la fontaine voisine. Après avoir passé le pont, on voit à l'entrée de la ville des bazars dont les échoppes sont garnies d'une quantité de citrons doux, produit particulier du pays. Resht a plutôt l'aspect d'un grand village que d'une ville, excepté le bazar qui a un cachet tout à fait asiatique. Les maisons à toit penché, recouvertes de tuiles, ressemblent bien plus à des constructions de l'Europe que de la Perse. Un grand nombre d'Européens passant par Resht pour s'embarquer sur la mer Caspienne, les indigènes sont accoutumés à voir des étrangers. Mais une caravane ne pourrait traverser le labyrinthe du bazar sans attirer la curiosité générale. Nous fûmes aussitôt entourés de nombreux badauds nous offrant toutes sortes de services. Pour arriver à Resht, nous avions mis 11 jours depuis notre départ de Téhéran. Autant mon premier voyage avait été pénible, autant celui du retour fut agréable, sous la conduite du bon Arménien qui, jusqu'au bout, avait eu pour moi les soins les plus délicats et des attentions tout à fait amicales. À Recht, nous nous séparâmes. Mes compagnons continuèrent leur route vers l'Europe, bien que la quarantaine fût encore en vigueur. Ce que j'en avais vu quelques mois auparavant, lors de mon passage à Apcheron, me fit désirer de ne pas être obligé d'y passer les 10 jours prescrits. Aussi acceptai-je avec un bien vif empressement l'invitation du consul anglais qui me pria de rester avec sa famille jusqu'à la levée de la quarantaine, attendue dans un bref délai. Cette circonstance me permit de voir en détail une des plus riches provinces du pays. Fin du chapitre 52.